Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens, présentée par Miss D sur Fadjet. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tout premier épisode de Chronique Drama, une nouvelle émission consacrée aux dramas coréens. Dans chaque épisode, je vais vous présenter quelques dramas, environ deux ou trois, et je vais vous décrire les sujets qu'ils traitent et vous donner peut-être envie de les regarder, je l'espère. Je vais également vous faire écouter quelques musiques ou chansons présentes dans celle-ci pour vous donner un avant-goût de l'ambiance que l'on pourra y trouver. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un drama ? Les connaisseurs le sauront déjà, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, un drama est tout simplement une série télévisée asiatique. Elle peut porter sur tous les sujets et se rapprocher de n'importe quel genre. Il y a des dramas comiques, romantiques, dramatiques, horrifiques, de la science-fiction, de la fantasy, etc. On peut même retrouver des séries médicales à la Grey's Anatomy ou encore des thrillers psychologiques à la Mindhunter. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il suffit juste de fouiller un peu parmi la multitude de propositions qui se trouvent maintenant sur les plateformes de streaming, à allier parfois avec l'utilisation d'un VPN pour certains dramas qui sont un peu plus compliqués à trouver, et le tour est joué. Dans ce tout premier épisode, je vais vous parler de deux dramas. Mais avant ça, nous allons écouter une chanson d'un drama appelé Prison Playbook qui fera l'objet lui aussi d'un épisode de cette émission dans les semaines à venir. Il s'agit donc du titre How Strange, interprété par le groupe Rhythm Power. Rhythm Power in the house tonight. We got some special joint. 미안하네 어디 가나 숨 막히지 말해 뭐해 냉수 안 먹으면 그리 키지 하룻밤에 꿈꾸는 건 여기서나 거기서나 It's my freedom yeah. 피안해 자꾸 미안해 저만들 자꾸 작은데 의지하네 당연한 게 상이 되는 이 방 안에서 난 너무나 놈 따위가 뭐가 중요하겠어 내 존재는 오직 현재를 보기 과거의 모습 멈춘 채로 두기 난 언제든 오기 하나로만 부딪혀 피안한 이곳에 발걸음 내리죠 미안하네 It's only what I gotta say What you gotta say? 미안하네 나는 당장 나가야 guess Sorry my man but Yeah I gotta go 내 여자친구 볼 살이 만지길 원해 원해 나 번호가 아닌 내 이름으로 불리길 원해 원해 매일 아침에 눈 뜨면 여기 여기 도망쳐도 거기서 거기 거기 날 둘러싼 문제 밀어넣고 go. I wanna go, go home Right hand down 뿐인 인생 그래 딱 한 방만 있으면 된다고 외쳤다가 마이 다 숨밥 대신 낯선 이들과의 지독한 밤 근데 희한한 건 이 단칸 방 속의 삶에 내가 적응어 비슷한 걸 하고 있어 여기에선 중요치 않은 남들의 시선 내 옷도 똑같아 음식도 다 같아 하루가 세상 바뀌려고 할 길이가 같은 내 시계만 지금 혼자서 멈춘 기분 남들과 다른 하루 24시간이 고파 yeah. 이 희한한 일상들을 원 위치로 되돌려놓고 파는 앞에 문 열어 right now 미안하네 it's only what I gotta say What you gotta say 미안하네 나는 당장 나가야 guess Sorry my man but Yeah I gotta go 내 여자친구 볼 살이 만지길 원해 원해 나 번호가 아닌 내 이름으로 불리길 원해 원해 매일 아침에 눈 뜨면 여기 여기 도망쳐도 거기서 거기 거기 날 둘러싼 문제 밀어넣고 I wanna go home right now 회색 지붕의 skyline yeah. yeah yeah Life is good but not mine yeah. 기한하네 달라진 나의 모습이 달라진 나의 모습이 기한하네 이 안에서 있는 일들이 이 안에서 있는 일들이 But You know, I gotta go Knock knock 저 높은 벽 위로 Knock knock 저 차가운 문 뒤로 Knock knock 그 언제가 아닌 지금 I wanna go home right now Come on Knock knock 저 높은 벽 위로 Knock knock 저 차가운 문 뒤로 Knock knock 그 언제가 아닌 지금 I wanna go home right now 내 여자친구 볼 살이 만지길 원해 원해 내 번호가 아닌 내 이름으로 불리길 원해 원해 매일 아침에 눈 뜨면 여기 여기 도망쳐도 거기서 거기 거기 날 둘러싼 문제 밀어넣고 I wanna go home right now Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. Le premier drama que je vais vous présenter est mon préféré. Il s'agit de Mr. Sunshine, réalisé par Lee Young-bok, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Ce drama est sorti en 2018 et compte 24 épisodes d'environ 1 heure. Cela peut paraître long au premier abord, mais une fois qu'on est plongé dans l'histoire, le temps passe très vite. Mr. Sunshine est un intéressant mélange entre histoire, guerre, mélodrame et une touche de romance. L'histoire de Mr. Sunshine se déroule entre 1900 et 1905 en Corée du Sud. En 1971, alors qu'il n'était qu'un jeune enfant, Choi Yoo-jin, le personnage principal, monte à bord d'un navire militaire américain. Son sauvetage s'est déroulé pendant le Chinmi-Yenjo, une expédition militaire américaine en Corée qui a abouti à une bataille. Petite explication historique, le Chinmi-Yenjo est la première intervention militaire américaine dans la péninsule coréenne. L'expédition se déroule du 1er juin au 3 juillet 1871, principalement sur et autour l'île de Kenghwa. Les années passèrent et Yoo-jin grandit aux États-Unis. Il décide un jour de retourner en Corée en tant qu'officier du corps marin des États-Unis. À son retour, il rencontre et tombe amoureux d'une fille d'aristocrate du nom de Go Hae-jin. Cependant, leur idylle ne sera pas si facile que cela, puisque la politique et la guerre vont leur mettre des bâtons dans les roues. Effectivement, Choi Yoo-jin découvre un complot visant à coloniser la Corée par les forces étrangères, notamment les États-Unis et le Japon. Tout de suite, nous allons écouter la première musique présente dans le drama, il s'agit de Sad March, de la chanteuse Hélène. The darkness, sun has pushed the stars. All sin is gone, hollow, empty home. Remedies on the way, unleash all the fears. Fear some in your eyes, sunsets on your eyes. You're my moonlight. darkness sun has pushed the stars. All sun is gone, hollow, empty home. Personnellement, j'ai adoré ce drama car il présente des personnages ayant des personnalités très détaillées et singulières. Le personnage principal féminin, Go Hye-shin, va se révéler être une femme très forte et elle va se vestir en tenue d'homme américain pour pouvoir combattre aux côtés de la résistance coréenne malgré son statut de jeune aristocrate. Elle apprend donc à se servir d'armes à feu et n'hésite pas à se battre au corps à corps, quitte à risquer sa vie pour sauver son peuple. Quant au personnage de Yoo-jin, il est également très intéressant puisqu'il montre toute l'ambiguïté d'avoir une double nationalité. Il n'est pas considéré comme totalement américain par ses camarades de l'armée et pas assez coréen pour ses pères qu'il a laissés quand il était plus jeune. Il se retrouve alors entre deux choix, soit prendre parti pour la patrie qu'il a sauvée il y a quelques années, ou prendre la défense de ses camarades coréens qui se font de plus en plus assiégés par les États-Unis et le Japon. Avec ça, les musiques présentes dans le drama sont incroyables et mettent systématiquement en valeur la scène qui se déroule lorsqu'elles sont jouées. Dès maintenant, nous allons écouter Stranger, interprété par le chanteur Park Won. Puis nous passerons au second et dernier drama de l'émission d'aujourd'hui. Time. Chronique Drama, votre émission sur les dramas coréens sur Fadjet. Le second drama dont je vais vous parler porte également une grande importance dans mon cœur, tant il m'a fait ressentir des choses. Il s'agit de Crash Landing on You, réalisé par Lee Jong-yo, que vous pouvez retrouver sur Netflix également depuis 2019. Il est composé de 16 épisodes d'une durée d'environ 1 heure. Ce drama traite du sujet de l'armée coréenne du Nord et de leur quotidien, ainsi que celui d'une jeune et riche chef d'entreprise sud-coréenne. Yeon Se-ri est une riche héritière d'une entreprise fondée par son père. Cette dernière n'est pas proche de ses frères, ni de ses belles-sœurs. Son père a décidé à sa sortie de prison que Se-ri serait l'héritière officielle de l'entreprise, ce qui énerve considérablement ses frères, qui ne voient que par le pouvoir et l'argent. Mais un jour, en pratiquant du parapente, elle se retrouve par accident en Corée du Nord à cause d'un orage imprévu, où elle fait la rencontre du capitaine Ri Jong-yok, qui va la cacher dans son petit village nord-coréen et tenter de lui faire fuir le pays par tous les moyens possibles et inimaginables. Malheureusement, ce ne sera pas chose facile, et il peut y avoir de fortes répercussions pour le jeune capitaine nord-coréen qui peut y laisser son statut, ainsi que sa vie. Tout de suite, une petite pause musicale avec Flower de Yoon Mi-rae. Always De mon côté, ce drama était un véritable coup de cœur et j'attendais la sortie de chaque épisode par semaine avec énormément d'impatience pour connaître la suite de l'histoire, tant les fins d'épisodes ont créé un suspense intense. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas à vivre ça puisque tout est sorti depuis bien longtemps et que si l'envie vous en dit, vous pouvez regarder tous les épisodes à la suite et sans frustration. Ce drama a su me faire passer du rire aux larmes en à peine quelques minutes, ce qui n'est pas chose facile et pourtant, ça a bien été le cas. Les personnages sont encore une fois hyper bien travaillés et le développement du personnage principal féminin série est la chose la plus remarquable de tout le drama si je puis dire, puisqu'elle est montrée au tout début comme une femme arrogante et ne pouvant pas vivre sans son petit confort quotidien. Son aventure va donc la forcer à changer et elle va devenir une femme portant bien plus d'intention aux personnes qu'elle aime. Le drama est aussi très intéressant pour les personnages secondaires qui sont tout aussi captivants que les principaux. Et pour finir, nous allons écouter le titre Let Us Go par l'artiste Crush. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que le contenu que je vous proposerai tous les deux jeudis saura vous convenir. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye!